La Corée produit des machines-outils de nouveau type. Par exemple, le tour de sphère de CNC et la meuleuse de l'extérieur et de l'intérieur de CNC sont au niveau de pointe et toutes les espèces sont nationalisées. Les essais ont vérifié que ces machines-outils assurent suffisamment la précision des produits tout comme le plomb.